Cette vérité permettra le pardon et consolidera la réconciliation nationale. École de démocratie pluraliste, sans oublier ou aliéner nos valeurs propres. École de moralité publique, où les uns et les autres, nous allons nous convaincre de l'inutilité de l'assassinat politique, de la nuisance du détournement des deniers publics, de l'inutilité aussi du mensonge collectif. À quoi tient, Elikiam Bokolo, le caractère problématique de ces conférences nationales centrafricaines et congolaises ? Alors, dans le cas de la République centrafricaine, le débat national avait été convoqué et organisé unilatéralement par le régime en place, et donc boycotté par l'opposition et critiqué par la très influente Église catholique et par la société civile. Donc personne n'était dupe que les règles du jeu avaient été faussées. Dans le cas du Congo, en revanche, il y a eu une véritable conférence nationale. Mais lors de sa clôture, à la cérémonie officielle très médiatisée, on avait convoqué les différents chefs de parti et de mouvement pour procéder à la formalité traditionnelle et rituelle du lavement des mains qui scelle la réconciliation. Et certains avaient boycotté cette cérémonie, en particulier Pascal Lissouba, qui sera élu président de la République en juillet 1992. Autre catégorie maintenant, celle des pays qui réclament une conférence nationale mais ne l'obtiennent pas. C'est le cas du Cameroun, et nous écoutons Ekanine Kodo, le premier secrétaire du Mouvement social pour la nouvelle démocratie, au micro de RFI.